Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 17 mars 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le Forum des organisations des producteurs agricoles du Burundi, Fopabou, réclame des fertilisants produits par la société FOMI. Ou alors, il voudrait que ce secteur soit libéralisé. Et si salle de classe de l'école fondamentale de Chichi et l'école fondamentale de Ruvinvia en commune Moussigati, province Boubanza, ont été détruites par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la localité le soir de ce mercredi et sur plusieurs collines de la commune Mourgui. L'on dénombre plus de 160 maisons détruites, plus de 50 hectares de champs de manioc, bananes, haricots, maïs et autres endommagés. Et la compétition Isanganiro Award entre dans sa phase finale dès aujourd'hui. Les mélomanes peuvent déjà procéder au vote de leur chanson préférée. La remise du trophée au gagnant aura lieu samedi 26 mars prochain. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour et bonne réception. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a reçu en audience au palais de Gitega ce jeudi l'archevêque de Kigali. Le cardinal Antoine Kambanda vient participer à une réunion de l'Association des conférences des ordinaires du Burundi et du Rwanda. Six salles de classe de l'école fondamentale de Chichi et l'école fondamentale de Ruvinvia en commune Moussigati, province Boubanza, ont été détruites par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la localité le soir de ce mercredi. Les élèves étaient tous rentrés, selon les témoins sur place. Les responsables scolaires dans cette commune disent qu'il est impossible de recouvrir ces salles de classe puisque les tôles tombées à distance ont été sérieusement endommagées. Il en faut de nouvelles tôles, selon la même source. Les élèves qui devaient être en classe au jeudi matin ont été contraints de retourner chez eux pour revenir dans l'après-midi dans les locaux occupés par les autres le matin. Et plus de 160 maisons détruites, plus de 50 hectares de champs de manioc, bananes, haricots, maïs et autres cultures ont été endommagés. C'est donc les dégâts occasionnés par des pluies torrentielles mêlées de vent l'après-midi de ce mercredi dans plusieurs communes de la commune Mourgui. L'administrateur de cette commune demande aux gens de bonne foi d'assister sa population, surtout en matériaux pour les toitures. Alexis Ndayiragije, correspondance. Selon des sources administratives, sur la colline Jirama, 30 maisons ont été détruites. Wahira 47, Remera 47, Maranga 16, Gitera 1, Kabuye 8 et 2 salles de classe. Et là, c'est à commune Mugui de la promesse Chibitoke. Selon toujours ces sources administratives, ces maisons ont été endommagées dans des pluies abondantes mêlées au vent de l'après-midi de ce mercredi. À part ces maisons détruites, plus de 50 hectares de champs, de manioc, bananes, haricots, maïs et autres cultures ont été endommagés par ces pluies. Les habitants de ces collines, évictés de ces pluies, demandent une assistance. L'administrateur de la commune Mugui, Merike Nzokizwanayo, lui également demande à tout un chacun de s'impliquer dans l'assistance de ces sinistrés, surtout d'urgence, du domaine des matériaux pour les toitures de maisons. Depuis Chibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndayiragije. Un problème d'eau potable se remarque au chef-lieu de la province Mwaro depuis bientôt une semaine. Les habitants de cet endroit se rabattent à l'eau puisée dans les vallées proches. Et au niveau de la régie des eaux, l'on indique que les travaux relatifs au remplacement des motopompes tombées en panne vont bientôt commencer. Laurent Dicourillo. Au moment où une insuffisance d'eau potable se remarquait au chef-lieu de la province Mwaro depuis environ une année, un phénomène qui s'accompagnait d'une alternance dans l'alimentation en eau entre différents quartiers de la place, depuis environ une semaine, aucune goutte d'eau ne tombe des robinets dans tous les ménages qui s'y trouvent. Les habitants du chef-lieu de la province Mwaro doivent payer de l'argent à ceux qui leur apportent de l'eau puisée dans les vallées proches. Un bidon d'eau coûte 300 francs. Les tenants des restaurants ou ceux qui gèrent des maisons de passage disent qu'ils payent environ 5000 francs à ceux qui apportent de l'eau sur vélo. Des fois, ces derniers passent plus d'une heure à ces sources aménagées car beaucoup de gens doivent s'y rencontrer. Ils souhaitent qu'ils soient encore une fois alimentés en eau potable pour ne pas s'exposer aux maladies causées par le manque d'hygiène. Au niveau de la régie des eaux, l'on indique que les motopompes qui poussaient l'eau vers les réservoirs à partir de la vallée de Njaga sur la colline Bisha de la commune de Lusaka sont tombés en panne, la réparation étant impossible, les travaux relatifs à leur remplacement vont bientôt commencer pour que ces habitants soient encore une fois alimentés en eau potable. Tomoalo, Laurent Dikuri, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dikuri. Cap maintenant sur Kayanza, où nous retrouvons notre correspondant Patrick Nsengiyumba, qui nous rapporte que les habitants issus des familles de la communauté Batwa devraient se prendre d'engouement pour la réalisation des travaux de développement, ce qui leur permettrait de se doter de bonnes maisons d'habitation. Un appel leur lancé par Wubi Elias, un Moutois qui habite le centre urbain de Kayanza et qui a pu se construire une maison moderne à partir des moyens obtenus dans la réalisation de ses activités agro-pastorales. Gilbert Nyandoui, administrateur de la commune Kayanza, appelle d'autres Batois au changement de mentalité. Patrick Nsengiyumba en ligne de Kayanza. Cette personne issue des familles de la communauté des Batois habitant la colline Moussave au centre urbain de Kayanza indique que pour parvenir à se doter d'une maison moderne d'habitation, il a d'abord habité dans une maisonnette et a par après changé de mentalité et se construire ainsi une maison moderne. Elias Wubi précise également que contrairement à d'autres Batois, lui, après avoir su que l'école est la seule source de développement, a fait scolariser ses enfants dont l'un a déjà terminé le secondaire et l'autre en terminale. Pourtant, cette personne de la communauté des Batois Kayanza, bien qu'il se félicite pour avoir fait scolariser ses enfants, il demande à toute autre âme charitable de l'appuyer en ce qui est du paiement des frais de scolarité des études supérieures de ses enfants. Il y a, si vous voulez, appelé d'autres Batois au changement de mentalité et s'atteler massivement aux travaux de développement. Au niveau de l'association Terimbere Mugenzi œuvrant en province Kayanza, dont certains de ses objectifs est de promouvoir le développement des familles Batois, l'on apprécie positivement que certains habitants Batois commencent à changer de mentalité pour s'autodévelopper comme tout autre Burundais. Eustache Ndikumukiza, président de cette association, fait savoir qu'en province Kayanza, certaines familles des Batois exercent des activités agricoles et l'élevage des caprés pour s'autodévelopper. Même propos avec Gilbert Nyandu, administrateur communal Kayanza. Cette autorité communale Kayanza estime que même les habitants des familles Batois sous-développées se développeront bientôt, étant donné que selon lui, le gouvernement burundais projette leur accorder des surfaces cultivables, du bétail et des maisons modernes d'habitation. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le terrain situé dans le quartier INSS, communément appelé chez Jean-Jacques, est entouré de tôles indiquant qu'il est en chantier. Certains habitants voisinant cet endroit disent que c'est une grande perte car cet espace vert aidait plusieurs personnes et les enfants venus de différents quartiers pour jouer au football ou y pratiquer d'autres activités sportives. Ils disent qu'ils n'ont pas été concertés pour donner leur avis sur les infrastructures à y ériger. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Ce terrain se trouve au quartier INSS à Mairie de Bujumbura, entouré par des habitations. Précisément, le terrain que la majorité des gens connaissent sous le nom de chez Jean-Jacques est entouré par quatre avenues pavées. Une est appelée avenue de l'enfance, une autre est l'avenue Source du Nil, à gauche est l'avenue de la culture à droite et dans la partie en bas, c'est le boulevard appelé Mao. Certains des habitants de cette localité qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros disent que ce terrain qui est l'espace vert aidait plusieurs personnes et plus particulièrement leurs enfants venus de différents quartiers comme Rohero 1, Nyakabiga, Bwiza, même ceux de Kiriri qui venaient y faire du sport. Ces habitants signalent également que le fait de mener les constructions dans cet espace est une grande perte car ils ne voient pas où leurs enfants pourront encore une fois trouver de place pour se détendre. Ils signalent également qu'ils n'ont pas été concertés pour être informés de ce qui sera réalisé dans cet espace afin de donner leur point de vue et jusqu'à maintenant ils ne savent pas les travaux qui y seront exécutés. Au sein de l'administration communale de Mukaza, Renova Sindayebura dit que le gouvernement a un projet qui sera réalisé dans cet espace et pour l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois, le directeur général de l'Office, ingénieur Jean-Pierre Gatore, a répondu à la radio Isanganiro qu'ils vont construire dans cet espace un centre de conférences internationales. Merci Jean-Marie Mayonga. Et le Forum des organisations des producteurs agricoles du Burundi, FOPABU, regrette que les fertilisants produits par FOMI n'aient pas encore été octroyés à tous les agriculteurs. Jean-Marie Niyongabo, représentant ce forum, déplore le jaunissement des champs de culture et qui laisse les agriculteurs dans la désolation. Selon lui, c'est inconcevable que les fertilisants produits localement manquent. Il demande à l'État de redoubler d'efforts pour résoudre ce problème ou alors de libéraliser ce secteur s'il s'avère que FOMI n'est plus capable d'en produire en quantité suffisante. On l'écoute. Avant de semencer, on fait la préparation du terrain. Donc les agriculteurs se préparent pour la préparation du terrain, la recherche des semences sélectionnées, l'avance pour les fertilisants. Mais pour le moment, nous ne savons pas où se trouve l'élément, le problème. Et donc on pense que FOMI devrait donner à temps les fertilisants. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Les conséquences, c'est que on ne peut pas avoir la production, il n'y aura pas la production tant qu'on n'a pas fertilisé les cultures. Il n'y aura pas de récolte favorable comme on a préparé, comme on a semencé. On a eu le problème de se fertiliser. On voit que c'est un problème. On demande que FOMI peut renforcer les activités, peut avoir le fertilisant suffisant pour que les demandeurs aient à temps. Il faut qu'il y ait un autre moyen pour que le fertilisant ne manque pas, alors que les agriculteurs sont engagés à cultiver pour bien récolter. Et au niveau de la société FOMI, on a promis à la rédaction de la radio Isanganiro de s'exprimer dans nos prochaines éditions. Rappelons que le 23 février dernier, le ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions avait sommé cette société FOMI d'avoir acheminé ses fertilisants en quantité suffisante dans toutes les communes du pays en 10 jours. Ce délai a expiré depuis 2 semaines déjà. Rappelons aussi que le président de la République a déclaré cette année 2022 une année agricole. Et les riziculteurs réunis en coopérative Sangwe, œuvrant dans la vallée de Nyakagunda, commune de Rugomo de la province Chibitoke, s'inquiètent du manque de semences améliorées pour cette saison culturelle. Ils disent avoir peur des pertes sur les 10 millions de francs burundais octroyés par le gouvernement et demandent aux autorités habilitées de s'y pencher. Karem Bizoza, gouverneur de la province de Chibitoke, tranquillise ses riziculteurs et affirme qu'une solution sera trouvée d'ici peu. Omer Ndouayo. Uburenganzira bwo gushiramo ubundi muceri ico caraswe aho benshi bashatse gufumbira umuceri usanzwe barababuza ko ari kurindira mpaka 131 coopératives agricoles Sangwe réparties sur 131 collines sont actives dans le marais Nyakagunda de la commune Rugombo en province Chibitoke. Chacune d'elles compte des membres estimés dans des centaines, voire autour de 1000. Ces coopératives crient le manque de semences sélectionnées. Les membres de ces coopératives disent travailler à perte au moment où ils ne sont pas autorisés à recouvrir à d'autres variétés du riz disponibles sur le marché. Le gouverneur de la province Chibitoke dit que l'administration est à pied d'œuvre afin de trouver solution à ces préoccupations des riziculteurs. Karem Bizoza, gouverneur de la province Chibitoke, appelle les riziculteurs à plus de patience dans l'espoir de trouver d'ici peu les semences sélectionnées. Et des cultivateurs de la commune Rumonge craignent une chute de la production en haricots de la saison culturelle B dans certains coins après plus de 2 semaines de rareté des pluies, alors que certains attendent le retour des pluies pour semer le haricot. Abel Ndaïchimiye, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumonge, conseille le semis du haricot nain, et cela dans 7 semaines, à compter de ce 17 mars courant. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Parlons maintenant de la compétition musicale Isanganiro Award qui entre dans sa phase finale dès ce jeudi. C'est-à-dire que les mélomanes sont appelés à voter leurs chansons préférées via leur téléphone portable. Et les cérémonies de remise de trophées auront lieu samedi 26 mars cette année. Suivez plutôt les précisions d'Aubin Nyonguru, c'est le président de la commission de préparation de cette compétition. Oui, aujourd'hui, c'est le début proprement dit de la phase finale de cette compétition musicale, le Isanganiro Award. Donc, on a donné l'opportunité aux fans de ces artistes de pouvoir voter, leur donner des notes. Tout d'abord, les votants doivent avoir la carte SIM de Léo pour le moment. Il faut composer pour voter l'étoile 190, dièse, puis on ferme. Puis après, on va voir la liste des chansons qui sont en compétition. Et nous profiterons donc de cette occasion pour en appeler aux artistes en soi de pouvoir mobiliser leurs fans afin de leur donner les points et donc plus de chances d'être premier. C'est une compétition qui sera suivie sur les plateformes différentes de la radio Isanganiro. Donc la finale, disons les cérémonies, auront lieu le samedi 26 mars de cette année. Et le public pourra donc suivre les événements sur les différentes plateformes de communication, que ce soit à la radio Isanganiro, que ce soit à la télévision, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter aussi. Pour voter aussi, bientôt il y a des vidéos de ces finalistes qui seront postées sur la page Facebook et Instagram de la radio Isanganiro. Et là, pour donner la chance à sa chanson préférée, il faudra liker, donc pour donner la chance à cette chanson et à son artiste. Aubin Niyonguru, c'est le président de la commission de la préparation de la compétition musicale Isanganiro Award. Et dans les nouvelles de la région, une forte pluie tombée sur la ville de Bukavu la soirée de ce mercredi 16 mars a fait deux morts, des personnes emportées par les eaux de ruissellement et d'importants dégâts matériels aussi, selon un bilan encore provisoire. La partie la plus touchée est le quartier industriel, comme nous le rapporte notre correspondant Jérémy Kouima. Une femme emportée en amont du marché central de Kadutu, au lieu appelé Chabwaki, un marché de vente et d'objets usagés, et un homme emporté par les collecteurs sur avenue Bugabo, tous en commune de Kadutu. Des motos dont le nombre n'est pas encore connu, des camions et un bulldozer renversés, c'est l'autre bilan sur la route dite industrielle qui relie les centres-villes au marché de Kadutu. L'on signale également plusieurs kiosques de vente de pièces d'occasion pour engins renversés ou emportés carrément, des glissements de terrain par-ci par-là et un mur du seul stade de la ville tombé par terre. La société civile Force Vive qui nous livre cette information accuse les habitants d'obstruer fréquemment les caniveaux par des déchets, mais aussi les services techniques municipaux devenus très obsolètes. Le maire de la ville, Meshak Biloubi Oulengabo, qui revient fraîchement d'une suspension, s'est réservé devant la presse et promet de se prononcer très prochainement. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci Jérémy Kouhima. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le Forum des organisations des producteurs agricoles du Burundi, FOPABO, réclame des fertilisants produits par la société FOMI ou alors il demande que ce secteur soit libéralisé. Et six salles de classe de l'école fondamentale de Chiché, l'école fondamentale Rosinvia en commune Musigati, province Bubanza, ont été détruites par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la localité le soir de ce mercredi et sur plusieurs collines de la commune Mourgui. L'on dénombre plus de 160 maisons détruites et plus de 50 hectares de champs de manioc, bananes, haricots et d'autres endommagés. C'est dans la province de Chibitoke, voisine de Bubanza. Et la compétition Isanganiro Award entre dans sa phase finale dès ce jeudi. Les mélomanes peuvent déjà procéder au vote de leur chanson préférée et la remise du trophée au gagnant aura lieu samedi 26 mars prochain. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Douimana, passez un très bon après-midi.